Melek James, La Dja, Yo, D-O-N-T-C-H-A, 1-9-9-9, ma confession. Reste en pointillé. Tout puissant, je fuis sans honte, ce souvenir luisant. L'arbre ruisselante, j'en suis ma pénitence. Si j'avais su qu'à la quête de mon Graal, je ferais tant de mal à faire souffrir le peu de gens qui m'aimaient. Vrai, j'ai manqué de lucidité, pour sûr j'ai péché. J'ai pas toujours été prêcheur, et ça faut que je l'admette. Le chant des sirènes était si beau qu'il ait succombé, polpé aussitôt. Donc depuis j'ai cherché la solution dans la bonté. Ma confession est-elle solution ou un substitut à ma détresse? La douleur suinte sur mon cœur, noir couleur deuil, comme une nuit intemporelle naufragée sur mon écueil. Les peines infligées par la justice des hommes n'est que microcosme à côté du macrocosme du ciel sacré. Implorez votre pardon et ma seule requête en prière aux esprits saints, je regrette tant. Banni, interdit, paradis, Dieu. Dieu maintient barrage et couvre-feu à l'entrée des cieux. Banni, interdit, paradis, Dieu. Dieu maintient barrage et couvre-feu à l'entrée des cieux. Banni, interdit, paradis, Dieu. Dieu maintient barrage et couvre-feu à l'entrée des cieux. Banni, interdit, paradis, Dieu. Dieu maintient barrage et couvre-feu à l'entrée des cieux. Excuse mes péchés, c'est vrai, parfois Seigneur j'abuse. On s'en sort et j'y pas que si on use de sa ruse. J'avoue souvent, j'ai voulu rendre le mal que par le mal. Mais faire mal est une maladie qui atteint les jeunes mâles. J'implore ton pardon, comprendre, faire souffrir c'est gratuit. Dans un monde où point rien, on sort le père et t'as de l'étui à 13 ans. Mes frangins sont armés jusqu'au dents. Camé à fond d'en péché pire que Eve et Adam. Je veux m'en sortir à temps, prends ta main si tu me l'attends. Même si le mal est tentant, le bien me plaît tout autant. Comment puis-je gommer mon ardoise de péché? J'irai jusqu'à arroser d'eau un désir qui a séché ou à me brûler vivant. Ainsi, t'offrir mes cendres, je le dis, mais je le ferai pas restant caché derrière mon scaphandre. Les miens, j'y représente Aubervilliers, Pantin, CMC et tout le nord-est. Bagne, interdit, paradis, Dieu. Dieu maintient barrage et couvre-feu à l'entrée des cieux. Bagne, interdit, paradis, Dieu. Dieu maintient barrage et couvre-feu à l'entrée des cieux. Bagne, interdit, paradis, Dieu. Dieu maintient barrage et couvre-feu à l'entrée des cieux. Bagne, interdit, paradis, Dieu. Dieu maintient barrage et couvre-feu à l'entrée des cieux. J'ai péché mes empreintes sous teinte et de tourments. Prêtre, emprunte, moi c'est printemps de discorde, c'est de disgrâce, de mensonges, car l'automne, l'aumône et la grâce s'accordent. Avec le remords, je ferai qu'un, je ferai corps sans vergogne ni cœur de mon cortège de conquête. J'ai fait des verbes, baisés, trompés, aimés, blessés, tu le sais bien. Les véritables sont celles que l'on quitte par nos ruses de sioux hargneux. Ah, je regrette à genoux, je jeûne, mais pas vous aussi. Le pardon descend des cieux, je me rue dessus et sans harnais, je chevauche le vent, c'est vrai, mon remords, l'on ressasse sans cesse dans les versets. Dire mesquin, dès lors messie, je récolte. Les confessions de Boy Scout toujours prêts, MC. Banni, interdit, paradis, Dieu. Dieu maintient barrage et couvre-feu à l'entrée des cieux. Banni, interdit, paradis, Dieu. Dieu maintient barrage et couvre-feu à l'entrée des cieux. Banni, interdit, paradis, Dieu. Dieu maintient barrage et couvre-feu à l'entrée des cieux. Banni, interdit, paradis, Dieu. Dieu maintient barrage et couvre-feu à l'entrée des cieux.